t'as le cœur blessé et tu ne sais plus trop. T'as envie de t'enfermer, de ne plus dire un mot. T'as peur de l'avenir, tu juges de ton passé. Tu voudrais loin de tout, partir sans revenir. Souvent seul chez moi, je me surprends à penser. Je m'accuse de ne pas avoir su t'éviter ce qu'un jour ton destin t'avait réservé. Mais je ne cesse pas de m'en attrister. Mais fais-moi confiance, évite tes méfiances. Je ne prétends pas pouvoir te rendre heureux, mais fais-moi confiance. Donne-moi tes souffrances, essaie au moins d'être un peu moins malheureux, mais fais-moi confiance et avance. Je pourrais essayer de donner mes sourires pour qu'enfin tu vois que de toi je m'inspire. Je voudrais te donner tous ces petits rires que l'on avait avant. J'ai vraiment beaucoup trop de choses à te donner. Tu viens vers moi, je me sens apaisé. Moi je crois en toi, et je te permets pas d'en douter. Mais fais-moi confiance, évite tes méfiances. Je ne prétends pas pouvoir te rendre heureux, mais fais-moi confiance. Donne-moi tes souffrances, essaie au moins d'être.